sensible aujourd'hui, vendredi, la fiction qui mêle et entremêle histoire vraie et reconstitution tranche de vie d'une biographie, aujourd'hui Alberto Giacometti, un programme proposé par Patrick Légibel. Notre invité, Franck Maubert, écrivain, lauréat du prix Renaudot pour Le Dernier Modèle, qui met en scène Caroline, Dernier Modèle précisément, et Dernier Amour de Giacometti. Affaires sensibles, la fiction, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Laurent Thomas, à la technique aujourd'hui Benjamin de la Gâtinais. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Alberto Giacometti est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Très tôt, son père, peintre figuratif, l'intéresse à toute forme d'art et lui apprend à dessiner. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Genève, il vient à Paris dès janvier 1922 et fréquente l'Intelligentsia qui investit Montparnasse. En décembre 1926, il s'installe 46 rue Hippolyte Mindron dans le 14e, où son frère Diego vient le rejoindre en 1930. Il ne quittera jamais cet atelier exigu et inconfortable, excepté pour aller travailler dans l'atelier de son père, en Suisse. Considéré par Francis Bacon comme le plus grand artiste du XXe siècle, il connaît une renommée internationale grâce à ses expositions à la Galerie Macht. Bonjour Patrick Légibel. Bonjour Fabrice. L'auteur Manuel Calma. Oui, auteur et journaliste reporter en presse écrite et audiovisuelle depuis 1997, Manuel Calma est édité chez Robert Laffont. Elle se passionne pour les aventures humaines, peuplées de conquérants hors cadre et sans frontières, de destinées individuelles ou collectives, riches en émotions et en adrénaline. Pour Affaires sensibles, elle nous a déjà fait découvrir le plus médiatique des volcanologues, Arun Taziev. Aujourd'hui, elle nous propose Giacometti et ses têtes, Manuel Calma, réalisation Michel Sidorov. France Inter. Affaires sensibles, la fiction. Alberto Giacometti est né à Stampa, en Suisse, le 10 octobre 1901. Son père, Giovanni Giacometti, et son parrain, Kuno Amiette, tous les deux peintres, ont une influence cruciale dans la formation et la maturation artistique du petit Alberto. Très tôt, il peint, copie, sculpte, réinvente des bustes, des natures mortes, et dévore tous les Tintoret, les Giotto et les Velasquez rencontrés à Rome, à Venise ou à Pérouse. Mais après quelques voyages à la découverte des grands maîtres de la Renaissance italienne, Alberto choisit de poser ses valises à Paris, dans le Montparnasse enfiévré des années 20, des maisons closes, des surréalistes et des soirées folles. C'est en décembre 1926 qu'il signe le bail d'un modeste atelier de 4,74 m de large sur 4,90 m de long. Son refuge, sa caverne, son antre qu'il ne quittera plus. Le 46 rue Hippolyte Mindron devient indissociable de sa légende. 40 ans de tête-à-tête avec la création de bustes pétris de ses mains, d'hommes qui marchent, de femmes debout, qui cohabiteront en chair et en plâtre dans cet atelier devenu mythique à plus d'un titre. Non loin, les bistrots, les bars et les lieux de réjouissance constituent une autre grande source d'inspiration. Deux americano et un champagne pour la 6. Ah, M. Albert, qu'est-ce que je vous sers ? Un café, oui. Un café pour le moment, ça ira très bien. Et vous n'avez pas vu Caroline? Elle n'est pas passée aujourd'hui? Ou bien elle est repartie? Elle va arriver, M. Albert. Ou bien elle est déjà passée, elle a décidé de repartir d'Ardar, hein? N'est-ce pas? Mais non, elle va venir. Tenez, j'aperçois Ginette et Dany là-bas. La gamine ne doit pas être bien loin. En fait, tu peux me servir un whisky, s'il te plaît, hein? Et je veux bien le journal aussi. Là, sur la banquette, oui. Ça va m'aider à tuer le temps. Merci, Abel, merci. De rien, patron, de rien. Il y a tant de bruit et je suis si fatigué. Combien de jours que je l'attends, la petite? Au moins 10. Et ça n'en finit pas. Je m'emmène les pinceaux à force. Qu'est-ce que j'ai fait là, au fond? Est-ce que ça a un sens, tout ça, réellement? Ma vie est compliquée, non? On était à Rome, Diego est retourné à Stampa, chez les parents, et Caroline, évaporée. Elle arrive quand, Caroline, hein, Abel? Elle arrive quand? Ouais, tu sais pas. Mais tu dis quand même qu'elle arrive, hein? Et oui, monsieur Albert. Pour sûr, elle finit toujours par arriver, la gamine. La femme doit être placée là. À cette distance. Un peu devant, au premier plan. La tête légèrement inclinée. Et le menton plonge. Ce sont les bras qui reculent très légèrement. Une invitation subtile. Passant en avant, offert, comme si elle l'invitait à le rejoindre, lui. Derrière, le sexe tendu vers elle, elle l'observe de dessous. Il cherche son regard. Ce regard, ah oui, l'histoire de l'œil. Toujours et encore, c'est ça. Tout ça est résolument central. Ce soir, Alberto Giacobetti, l'oiseau de nuit amoureux de Paris, a quitté son atelier de la rue Hippolyte Maindron pour aller flâner dans les cafés à la rencontre des poules, comme il les nomme, et des poètes noctambules, comme lui. Ce n'est pas le premier soir qu'il attend sa maîtresse. Il vient de quitter James Lord, l'américain, le fou de peinture et l'ami patient, qui, comme tous les autres, se prête au supplice et aux compliments de l'artiste. Giacometti promet une toile, la confisque, la reconnaît sienne, puis la bannit. L'expédie à l'autre bout du monde, ou la rapatrie. Son regard fouille l'âme de ses modèles. Alberto, l'éternel chercheur, le jouisseur inassouvi, l'esprit libre. Il a tourné le dos au surréalisme en laissant sur son passage des pièces incontournables, comme Boule suspendue ou L'objet invisible. Au fil des années, son cercle de tête reste invariable. Ses muses sont triées sur le volet, et quelques figures masculines peuplent sa galerie de portraits et de bustes. Il y a l'éternelle Annette, l'indomptable Caroline, l'inséparable Diego, le flegmatique James Lord, ou encore l'immobile et impénétrable Isaac Kouyanéan. Le jeu qu'il met en place, plus ou moins consciemment, forme des figures complexes, entre fusion, fascination et rejet. Ce soir, il vient de quitter James Lord. Il attend Caroline, chez Adrien, l'un de ses bars préférés, impatient de la retrouver un brin fataliste, comme à l'accoutumée. C'était elle? Allô, Jules? Mais non. Pourquoi diable prendrait-elle la peine de téléphoner? Et c'est bien que je suis là à l'attendre. C'est compliqué tout ça. Et c'est fascinant en même temps. Ah, la voilà. Je vous l'avais dit, monsieur Albert. La patience. La patience. Tu es là? Toi, tu dessines encore et encore. Ça n'a pas d'utilité, hein. Tu trouves pas que je perds un peu mon temps? Mais non, bien sûr que c'est utile. En plus, tu es beau quand tu dessines. Et toi, tu es belle tout court. Oui. Et j'aime bien quand tu m'appelles ta démesure. Ça me plaît bien, ça, d'être la démesure de quelqu'un. C'est pas commun, dis donc. Et toi, tu es ma grisaille. On va boire du champagne, hein. Et tu mangeras un petit quelque chose aussi. Rire et boire jusqu'au petit matin. Dis à tes amis de nous rejoindre. Paris est à nous. Depuis octobre 1959, date de sa rencontre avec Caroline, les nuits d'Alberto ont bien changé. Lui qui passait son temps dans les lieux fréquentés par les prostituées, s'est attaché à cette impétueuse de 30 ans, sa cadette. La jeune femme occupe une vraie place dans son cœur. Peu importe ce qu'elle vit avec ses clients, elle cloisonne, et cette part de mystère pimente leur affaire. De temps à autre, elle porte une nouvelle parure. C'est peut-être le surnommé Big ou Dadish, son protecteur de 80 ans, qu'elle annoncera avoir épousé au détour d'une conversation. Alberto lui passe tout, même les fric-frac occasionnels. Il éponge parfois ses dettes et l'aide au quotidien. Au fond, Giacometti se moque de l'argent. Il dépense sans compter et ne se lasse pas de regarder cette jeune femme éprise de liberté, comme lui. Je ne me lasserai jamais de ces petites bulles. Ça chatouille le palais, c'est juste frais. J'aimerais que tu viennes plus souvent dans mon atelier. Ma grisaille, je viens dès que tu me le demandes. Mais tu n'es jamais content de ton travail. Je ne comprends pas toujours bien ce que tu fabriques. Tu te mets en colère, dans une sacrée colère, oui. Tu rugis comme un tigre, à faire trembler les murs. Et puis tu redeviens tout doux, comme une peluche. C'est fascinant de te regarder, tu sais. Toi aussi, c'est fascinant de te regarder. Et je veux continuer de lire tous tes traits. Je cherche, je fouille, je tente, j'efface. Tu sais, Caroline, le dessin, C'est la base de tout. Oui, c'est ta base. Mais ce n'est pas facile pour moi, tu sais. Je ne me sens pas forcément à ma place. Et puis, ils m'impressionnent. Mais qui t'impressionne? Eux, ton frère et ta femme. Diego ne m'adresse toujours pas la parole. Je l'ai croisé dans la cour l'autre jour et même pas un bonjour. Et elle, elle n'apparaît jamais. Je devine sa présence, oui. Parfois, je vois un ray de lumière sous la porte. Elle est là. Et elle pourrait débarquer à tout moment. Tu le sais. Ta place est là-bas aussi. Tu viens demain, hein? Tu sais bien que je ferai ce que tu me dis de faire, ma grisaille. J'aime bien que tu m'appelles ma grisaille. Ça me fait rire. Nous travaillerons quelques heures et ensuite nous irons boire, rire et manger toute la nuit. Et nos balades dans Paris, tu n'en veux plus? Tout ce que tu voudras, pourvu que tu continues à poser pour moi. Peut-être que bientôt je te conduirai dans ma voiture de course, n'est-ce pas? Tu l'auras, oui, c'est promis. Nous irons la chercher bientôt. Quand? Où ça? À Levallois-Perret, le week-end prochain. Une Ferrari? Mieux que ça, une MG. Elle est rouge comme le ciel. Oh, comme le ciel? Mais le ciel n'est pas rouge, Alberto. Si, si, on me dit qu'il est bleu, alors je fais semblant d'y croire. Je la veux décapotable. Et tes cheveux voleront au vent. Tout juste, ma démesure, tout juste. Tu t'accrocheras, ma grisaille. Ton pied gauche au plancher et en avant. Plus vite que ça. Tu vas t'envoler. Mais oui, j'adore m'envoler, oui. Donne-moi du feu. Toi, tu fumes trop, je ne t'en donne pas, non? 4 paquets, c'est trop. Et comment? Et puis, tu ne fumes pas des coups, là, ce que je sache. Abel, un americano pour ma jolie. Et nous irons nous perdre dans la forêt de Meudon, hein? N'est-ce pas? Tu nous conduiras jusqu'à là-bas. Plutôt deux fois qu'une. À nos escapades. À nos escapades. Et vive la nuit, car demain est un tout autre jour. J'étais là très tôt ce matin. Je te cherchais à vive allure. Le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison. Mais me voici à Rome, devant chez toi. L'escalier monte à sa chambre et dans ce froid de queue. L'escalier monte à sa chambre et dans le froid de décembre, son accent français le trahit. En bras de chemise légère, dans ses yeux tous nos mystères de Marseille. Mes photos d'un ado sombre accroché au mur devant lui. Est-ce moi? Est-ce lui? Comme le héros d'un livre qui ne souffrirait plus du froid. L'homme qui marche devant moi, est-ce toi? Je t'ai attendu dans ce râle triste, il était trop tôt pour ma défaite. Je t'ai attendu dans ce râle triste, il était trop tôt pour ma défaite. Je t'ai attendu dans ce râle triste, il était trop tôt pour ma défaite. Je t'ai attendu dans ce râle triste. Il était trop tôt pour ma défaite. À 14 heures précises, le lendemain, l'ami et amateur d'art américain James Lord fait son apparition dans la cour de l'atelier du 14e arrondissement. Giacometti est rentré à l'aube, il a mal dormi. Voilà 6 jours que James Lord partage tous ses après-midi. C'est Diego, son frère, qui est sur le pas de la porte. Il attend le modèle d'Alberto, la mine inquiète. Toujours fidèle au poste, Diego. Alberto bout de l'atelier aujourd'hui. J'espère que je ne le fais pas fouiller avec ma drôle de tête. Comme on dit, bizarre. Oui, c'est ça, on dit bizarre. Alberto va arriver. Il est au téléphone avec son éditeur. Il revient tout juste de chez l'imprimeur, avec des mauvaises nouvelles. Ah ? Murlo lui a annoncé que le papier qu'il utilise ne convient pas pour des lithographies de Paris sans fin. Ah, Alberto y tenait beaucoup. Oui. Et je peux te dire que ta séance avec lui s'annonce plutôt mal. Eh bien, le ton est donné. Tu crois que je peux... Non, ok, prends ta photo. Et, mais remets vite tout en place. N'oublie pas de placer le tabouret sur la marque au sol aussi. Alberto va être pressé de se remettre au travail. Pour se calmer, tu vas voir. Ah oui, tu veux dire qu'il va passer ses nerfs sur moi? Pas faux. On verra si tu arrives à éteindre l'incendie. Ce n'est pas la peine de prendre cette toile en photo tous les jours. Oh, bonjour, Alberto. Bonjour, oui, bonjour. Je suis extrêmement contrarié, pour tout te dire. Parce que je prends la toile en photo? Non, non. Maintenant que j'ai commencé, autant continuer. Diego me fait part de tes contrariétés. C'est plus que ça. C'est une catastrophe, et d'ailleurs... Autant faire le tri tout de suite, n'est-ce pas? Alberto, qu'est-ce que tu fabriques? Où est-ce que tu vas, bon sang? Tu m'écoutes pas, hein, c'est ça. Tu n'entends plus rien ou quoi? Pas une seule lithographie dans Paris sans fin. Mes dessins ne servent à rien. Je ne veux plus les voir. Allez, disparaissez de ma vue. Poubelle! Enfin, Alberto! Et que diable es-tu en train de faire? Je fous tout ça en l'air, ni plus ni moins. Non, Alberto! Bien sûr que si. Arrête, regarde ce que tu es en train de faire. Regarde-les au moins, avant de les détruire. Rien à voir, voilà 25 ans que je perds mon temps. Calme-toi, Alberto, calme-toi. Mais tu sais, toi, Diego, que ça ne vaut rien. Je perds mon temps et j'en fais perdre à vous tous, hein, n'est-ce pas? Car en définitive, je suis assez content de m'être débarrassé de toutes ces choses. Oh. J'ai réussi à en sauver 2 de massacre. Merci, James. Dans quelque temps, il te remerciera, tu verras. Je vous laisse maintenant. Je me mets là, Alberto. Le tabouret est à sa bonne place. Nous sommes à la bonne distance, n'est-ce pas? Oui, il me semble que oui. Maintenant, il faut tout abolir. Je dois tout recommencer à zéro. Il faut que j'avance avec toi. Je dois aussi reprendre ce buste de mon frère. Il ne pose pas cette fois-ci. Je fais tout de mémoire. Je fais de la sculpture pour en finir avec la structure. C'est Sartre qui parle de la difficulté de la sculpture, n'est-ce pas? Tu sais, j'ai l'habitude de dire que quand je regarde le profil, j'oublie la face. Et je repense à cette phrase de Sartre. Faire un homme avec de la pierre sans le pétrifier. C'est mystérieux tout ça. Oui, pour moi c'est assez mystérieux. Mais j'ai pas peur. De quoi? De toi, tiens donc. Tu rougis comme un fauve. Je sais, on me le dit souvent. Tiens, j'ai faim maintenant et terriblement soif. Tu m'accompagnes? J'ai pas le choix, j'ai quoi? Alberto, qu'est-ce que tu fais encore subir à notre ami James? Annette, je vous avais pas vu. Toujours sur la pointe des pieds. Ma femme est une fille qui veille sur toutes mes affaires. Allez, Annette, viens au café avec nous. Il fait soleil. Avant que je le torture à nouveau avec mon pinceau. Tu t'es fâché, m'a dit Diego. Ce n'est rien. Rien que des petites contrariétés. Allez, ne perdons pas de temps. quel personnage! Est-ce que ça vous plaît de poser pour lui? Oui, beaucoup, mais vous savez, c'est tout de même un peu déconcertant. Quand on dit comme ça? Parfois, oui, déconcertant, mais qu'est-ce que c'est passionnant aussi. Abel me fait presque peur. Quand les choses ne marchent pas comme il voudrait, il hurle, oui. C'est très surprenant. Il peut même disparaître, pof. Et alors, on se sent totalement impuissant. Oh, je vois. Mais j'y suis tellement habituée que je n'y fais même plus attention. Vous vous y ferez, vous aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai besoin aussi de vos lumières, Annette. Comme vous le savez, je dois aussi rentrer chez moi à New York City. Ma vie n'est pas ici à Paris. Je sens que ça va être très, très compliqué pour Alberto de me laisser repartir. Ah, oui, oui. Je ne vous donnerai qu'un conseil. Lui parler et fixer les limites. Il fait ça avec tout le monde. Mais comment faire? Il faut fixer une limite. Comment ça? Tout simplement en lui fixant un ultimatum. À partir de là, s'il vous demande de repousser d'un jour ou deux, ok, vous accepterez ou pas. C'est à vous de voir. Ah, je vois, je vois. Vous êtes habile. Disons pragmatique. Oui, oui, c'est ça. Je vais faire ça. Vous avez remarqué que parfois le travail d'Alberto semble aller à reculons? Oui, oui, précisément, il efface et il recommence. C'est ça. C'est tout à fait effrayant. Vous parlez comme lui. Attention. Ah bon? Oui, oui, c'est toujours pareil avec Alberto. Yo, vous venez? Hurry up, Annette. Here we are, my friend. Un œuf brouillé pour la une. Et un rayon sauce madère, hein? Chaud devant chaud. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? On n'a pas de temps à perdre. Il faut absolument qu'on se remette au travail au plus vite. Vous comprenez, hein? Oui, Alberto, oui. Nous comprenons très bien. Et qu'est-ce que ce sera pour Monsieur Alberto, comme d'habitude? Oui, deux œufs durs, deux tranches de jambon. Oui, sans oublier les deux morceaux de pain. Et les deux verres de Beaujolais. Quelle mémoire, ce James! En l'espace de quelques jours, vous avez cerné notre Alberto. Et Abel, tu penses au café, hein? Et comme si c'était fait, deux cafés, deux! Chaque fois qu'Alberto se trouve entouré de siens, il semble se soulager d'une angoisse qui lui colle un peu trop à l'âme. Annette et Diego, ses deux piliers, son cercle intime si essentiel à son équilibre. Seule Caroline est maintenue à distance, juste à la périphérie, connue de tous, mais sciemment ignorée. Mais quiconque cherche à empêcher Alberto de la fréquenter se casse les dents. Annette a tenté, mais en vain. Très vite, la jeune femme s'est imposée comme modèle fétiche, au même titre que les autres. Franck Maubert a rencontré, bien des années après, cette maîtresse de l'ombre. Elle lui a raconté cette passion à la fois claire et obscure. Elle se souvient d'une nuit où, après avoir escaladé le toit de l'atelier, elle s'est retrouvée nez à nez dans la chambre de l'épouse. Les deux femmes s'injurient et en viennent presque aux mains. Caroline s'enfuit. Annette, trompée, ne supporte plus cette liaison et elle presse son mari d'y mettre fin. Ce dernier lui répond simplement « Ce n'est pas possible. Si je ne vois plus Caroline, je ne te verrai plus non plus. » Giacometti ne reviendra pas sur cette décision et ne semble guère se soucier de la réaction d'Annette si elle tombait nez à nez sur Caroline en train de poser dans son atelier. Ah, tout ça est merdique. Surtout, tu bouges pas. Je n'y arriverai pas. Mais je bouge pas. Enfin, je crois pas. Non, tu bouges pas, c'est vrai. Merde, ça commence mal, non? Je peux m'allumer une cigarette? Déjà? Ouais, tu peux, oui. Non, non, non, attends, pas tout de suite, hein. Tu peux... Non. Tu fais mes yeux, là, non? Ça fait une heure que tu fais mes yeux, c'est ça? On va recommencer, ça ne marche pas. J'efface tout ce que j'ai fait aujourd'hui et demain, on reprend tout l'ensemble. Je te promets qu'on va arriver à quelque chose. Tu me crois, n'est-ce pas, hein? Oui, mais oui, bien sûr que je te crois. Là, je suis un bon à rien. Je peux voir? Mais voir quoi? Mais voir moi. Plus tard, je vais trouver. T'arrêtes pas de chercher. Me trouver, n'est-ce pas terminé en définitive? Allez, mets ton manteau. On va dîner. C'est moi, ça? Ou c'est ainsi qu'elle me voit? Quelle drôle d'expression. Je sais pas si ça me plaît vraiment de me voir comme... comme une sorte de fantôme. Mes mains sont abîmées. Mes mains sont abîmées à force de cogner, de m'acharner. Mes doigts sont engourdis. Mes pieds sont écorchés. Mon dos me fait mal aussi. Un pas en avant, deux en arrière. L'artiste n'est pas en très grande forme. Il fume encore et encore, se tue la santé. Parfois, il reste alité toute la journée, mais s'échappe la nuit. Il ne louperait sous aucun prétexte ses virées dans Paris. Il s'épuise, ne veut pas dormir comme tout le monde. Il s'abandonne au sommeil quand les autres se lèvent. Depuis qu'un de ses amis ne s'est pas réveillé, la nuit est devenue compliquée à gérer. Et puis, hors de question de s'endormir dans le noir. Certains jours, Giacometti s'épuise parce qu'il ne sait pas faire autrement que de travailler, chercher le trait juste, sans fin. Tu dois me détester, James. N'est-ce pas? Mais non, Alberto. Pourquoi veux-tu que je te déteste? Je ne suis pas fatigué, mais je suis d'une humeur de chien aujourd'hui. Je vais définitivement abandonner la peinture. Tu m'entends, hein? Voyons cela. Le seul destin que j'ai, c'est de tout recommencer. Vois-tu? Oui, je vois. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ma joue et mon nez me grattent. Ah, mais pourquoi? C'est à cause de tous les petits coups de pinceau que tu me donnes. Très joli. Fais-moi, jeune homme. Tu sais que ta tête s'en va tout à fait maintenant. Peu importe, elle reviendra. Je m'inquiète pas. Si seulement je pouvais peindre convenablement. Ça va tellement mal que ça va même pas assez mal pour qu'il y ait de l'espoir. Peut-être que je suis un faux sculpteur et un faux peintre. Dis-moi, James, tu ne crois pas? Ce que je crois, c'est que là, on ne voit plus rien de tout. La nuit a définitivement envahi l'atelier. Peu importe. La lumière peut bien changer, la peinture, pas du tout. Pourquoi ne pas s'arrêter? Oui, tu as raison. Alors, je me lève? Oui, de sorte que je vais cesser de souffrir. Ne bouge pas! Alberto aime travailler dans l'obscurité. Annette, vous voilà, et vous aussi, Diego. Vous venez me libérer? Qu'est-ce que tu fabriques, Alberto? Je travaille. Ça vous étonne? Comme souvent, lorsque Alberto quitte son atelier, Diego ne tarde pas à passer derrière lui. Il veille sur sa caverne aux mille trésors, soigne quelques finitions, patine quelques bronzes. Que serait Alberto sans Diego? Et que serait Diego sans Alberto? Un dans l'ombre, l'autre dans la lumière. Qu'en penses-tu finir, Alberto? Peu importe, au fond. Comment ça? Finir, ça non. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, j'ai remarqué non seulement que de face, tu as l'air d'une brute, mais que ton profil est un peu dégénéré. Ah, c'est intéressant. De telle sorte que de face, tu vas en prison, et de profil, tu finis à l'asile. Et mon corps, alors? J'ai déjà tant à faire avec la tête. Ne me parle pas de ton corps en plus, hein? L'enfer est là. Où ça? Au bout de mon nez? Non, tout ton visage. Mais on y va, doucement. Où? En enfer? Oui, en quelque sorte. Il faut qu'on parle, Alberto. De quoi, mon ami? De mon départ. Ah oui, mais tu parles quand tu veux. Je ne te retiens pas. Et tu sais que cette toile est à toi, bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, j'aurai plaisir à te l'offrir. Et si elle est mauvaise, il vaut mieux qu'elle soit entre de bonnes mains et hors de ma vue. Je ne sais pas comment te remercier, Alberto. Il nous reste 4 séances. C'est plus qu'il n'en faut pour ouvrir la porte en grand ou la refermer définitivement. Merci, Alberto. Je te le redis. Mais de quoi? De me faire vivre tout ça. Je pense, mon ami, que tu es complètement piqué. Hein, Diego? Notre Américain est totalement piqué. Il me remercie de passer du temps ici. Je lui en fais pourtant voir de toutes les couleurs. Jean Genet n'a pas eu sa patience. Il m'a avoué qu'il se sentait objet et que ça ne lui plaisait pas vraiment. Oui, et notre Américain en redemande. Ils sont peut-être fous dans ce pays. Cela fait plusieurs jours que le travail piétine. Le portrait de Caroline n'avance pas plus que celui de James Lord. Plus la date de départ de l'Américain approche, plus l'issue est incertaine. Le centre du tableau est un magma de traits, de hachures, avec 2 cratères au contour incertain dont semblent parfois couler des larmes de térébenthine. Alberto livre d'inlassables batailles. Dis donc, Diego, ton frère a la tête des mauvais jours. Ton départ approche. Hein? Oui, et il évite soigneusement le sujet depuis quelques jours. Diego, viens voir une minute. J'ai besoin de toi. Approche. Qu'est-ce que tu en penses? Ça vient. Ça commence à être bien. Oui, c'est le moment où tout pourrait commencer. Hein? La tête se tient très bien sur le corps, n'est-ce pas? Et par conséquent, le corps a plus de volume. C'est que le dessin est bon. Ça commence à être bien et tu t'en vas. C'est emmerdant. Bon, je vous laisse régler vos histoires. Oui, Alberto, ça me pose problème pour te dire la vérité. Tu ne dois pas. Mais rien. Je pensais envoyer précisément ce portrait à Pittsburgh. Alors? Alors rien. Mettons-nous au travail. Ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? C'est de la merde ce que je fais là. C'est toujours la même chose. Je devrais peut-être tout abandonner et surtout tout détruire. Car ça fait des décennies que je fais rien de bon. C'est désastreux. Autant tout détruire maintenant. Si tu y touches, Alberto, je te tue, tu es prévenu. On va tenter de faire quelque chose de tout ça. Si on repart à zéro, on peut espérer arriver à quelque chose de pas mal et peut-être même de bon. Ça marche comme sur des roulettes aujourd'hui. Tu es fâché? Bien sûr que non. Parce que je ne veux pas te perdre. Tu es mon ami, tu sais. Mais... toi aussi, tu es mon ami. Bon, alors j'abolis tout. Oh. Oh. Et je reprends au tout début du début. Pourquoi fais-tu ça? Mais parce que je ne peux pas faire autrement. Il n'y a vraiment pas d'autre issue. Il faut nous reposer aussi. Attends, il y a une ouverture là. C'est pas mal. Il y a quelque chose à faire. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Ça ne peut pas attendre demain? Oh, demain, qui sait? Peut-être que oui. Demain, on ira plus loin. Mais demain, tu t'en vas. Normalement, oui. De toute façon, cette toile part demain pour Carnegie, Pennsylvanie. Ça me donne des ailes. Je suis prêt à tout risquer. Oui, il me semble que nous pouvons aller encore plus loin. Mais regarde-moi dans les yeux. Mais qu'est-ce que je fais là, tu crois? Voilà. Tu peux te lever maintenant. Il fallait juste que je fasse les yeux. Là, Maintenant, c'est fait. Oh, c'est excellent, là, non? C'est dommage. Nous aurions pu aller beaucoup plus loin. C'est la première fois de ma vie entière que j'ai une ouverture comme celle-là. Mais je trouve que c'est admirable. Ça, c'est une autre affaire. En attendant, on a fait de drôles de progrès ensemble. Tu pars pas longtemps, hein? Et quand tu reviendras, on recommencera. On ira encore plus loin. Maintenant, nous allons nous arrêter un peu. Oui. Ainsi va le processus de création Giacometti, mi-Saturne, mi-Sisyphe, aux fulgurances capricieuses. 1965 vient de s'achever. L'année a été rude et Alberto sent ses forces le quitter. Il ne se reconnaît plus. Il n'a même plus l'énergie de travailler. Après avoir survécu à un cancer de l'estomac quelques années auparavant et à des complications pulmonaires dans les derniers mois de sa vie, Alberto est hospitalisé à l'hôpital de Coire, en Suisse, non loin de sa maison de Stampa. Annette et Diego sont là. Ils ont deviné que la fin approche à grands pas. Alberto réclame Caroline. Elle sera présente, elle aussi, jusqu'à ce que les dernières forces de sa grisaille l'abandonnent. L'amoureux des grands boulevards, des cafés interlopes et des estaminets a juste eu le temps d'achever la dernière lithographie de son Paris sans fin. On y voit de dos la silhouette d'un homme s'éloignant dans la ville comme un évanouissement, un adieu à la vie. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, Franck Maubert, écrivain, lauréat du prix Renaudot pour son livre intitulé « Le dernier modèle » qui met en scène Caroline, dernier modèle précisément, et dernier amour de Giacometti. Je me rappelle à peu près exactement le jour en 45, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus des images sur l'écran, mais simplement des tasses qui bougeaient. Comme si c'était vraiment la première fois que je voyais le monde extérieur sans un écran qui existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois, donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais que elle ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens. Franck Maubert est avec nous aujourd'hui pour nous parler de Giacometti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un romancier, mais vous écrivez aussi des essais. Il se trouve qu'en 2012, vous avez reçu le prix Renaudot de l'essai pour votre livre « Le dernier modèle » aux éditions des Mille et Une Nuits. Et le dernier modèle, c'est le portrait de Caroline, dernier modèle précisément, et dernier amour de Giacometti. Donc, à travers Caroline, on a une œuvre aussi sur Giacometti. Et ce n'est pas fini. Là, vous préparez un livre sur L'homme qui marche, l'œuvre la plus connue de Giacometti. Oui, la plus emblématique, oui, tout à fait. C'est un peu la représentation de l'homme universel. Et c'est, pour moi, la sculpture majeure du XXe siècle, qui représente justement l'homme universel. Et ce livre sortira en janvier 2016. Giacometti, artiste et homme angoissé, dépressif, artiste à vif, comme on dit, remettant sans cesse en cause sa propre recherche, son travail, allant chercher son inspiration dans ce monde parallèle entre son imaginaire et un quotidien de bar et de rencontres fortuites. Voilà comment on parle souvent de Giacometti. Moi, j'aimerais savoir si on est dans la réalité, dans la légende ou la réalité romancée, où est-on? Alors, il y a un peu de tout ça, c'est juste, mais le plus frappant chez Giacometti, le plus intéressant, c'est l'unité absolue de l'homme, c'est-à-dire l'unité entre l'œuvre et l'homme, et ce qu'il était profondément. C'est-à-dire, même il suffit de regarder son visage, qui a été maintes fois photographié par Cartier-Bresson, ou Scheidegger, ou d'autres photographes, et ou même ses autoportraits, bien sûr. Et en fait, c'est l'unité entre l'œuvre, l'atelier et le visage et l'homme, est-ce qu'il est, en fait, tout ça ne forme qu'un, il y a une homogénéité totale, ce qui est extrêmement rare. beaucoup plus que chez un Picasso qui s'éparpillait, vous voyez. Alors, on rappelle que Giacometti est suisse et qu'il était à bonne école, finalement, avec un père artiste. Tout à fait. Racontez-nous ça. Oui, il avait un père artiste qui était un peintre figuratif, qui faisait une charmante peinture sans éclat. Lui, très tôt, Alberto a été possédé par... il savait ce qu'il voulait. Très tôt, il voulait faire dans l'infiniment petit, en fait. Alors, au début, il a commencé par peindre sa mère, Annetta. C'est pour ça que d'ailleurs, il épousera une Annette plus tard. Un jour, il lui a dit « Je t'ai épousé parce que tu as le même prénom que ma mère. » Oh, psychologiquement, c'est lourd. Oui, ça, c'est très, très lourd. J'aurais pas aimé ça. Oui. Alors, il peignait ses proches déjà dès le début. Plus, il peignait le chalet en rondin de bois de Stampa, donc qui est un petit village des Grisons. Et puis, assez tôt, il est venu à Paris et il a commencé à rencontrer, à faire de belles rencontres. Et il a rejoint en fait son frère Diego, et son frère Diego qui a été son assistant, son père protecteur, j'oserais dire. Oui, voilà, il était là à tout instant, quoi. Là, c'est ses débuts. Effectivement, il aménage dans son atelier de 14e arrondissement, décembre 1926. C'est un tout petit atelier qu'il ne quittera pas, je crois. Oui. Il n'était pas intéressé par le confort, la richesse, la réussite sociale. Il mettait vraiment tous ses efforts dans la création, dans son œuvre, essayer de combattre ses doutes terribles, parfois, qui lui faisaient faire et défaire jusqu'à l'épuisement ses œuvres. C'est ça, en fait. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que sa grande phrase, c'est, il disait, je fais en défaisant. Et en fait, c'est ce sentiment d'échec permanent qui le tient en haleine à toujours faire et refaire son œuvre, et avec un minimalisme extrême, quoi. C'est-à-dire qu'il a concentré, il a une palette très concentrée avec 4-5 couleurs, si toutefois on peut parler de couleurs, parce qu'on est dans les gris, on est dans des tons très très effacés, en fait. Et donc justement, il efface les visages, il les reprend sans cesse, il les reprend, et avec ces modèles qui n'en peuvent plus de poser, parce qu'il les engueulait quand il bougeait d'un cils, même. Il est dans la démarche artistique forte de la déconstruction, reconstruction. Permanente, et c'est ce sentiment d'échec, vraiment, chez lui, il parlait sans arrêt d'échec. Il disait que c'était impossible de créer et qu'une œuvre n'était jamais aboutie, en fait. Et il fallait lui arracher une œuvre, et d'ailleurs, c'était souvent le rôle d'ailleurs de son frère, parfois dicté par les marchands, qui faisait qu'on lui arrachait une œuvre qu'il estimait qu'elle était terminée, mais pour lui, elle n'était jamais terminée. Parce qu'il pensait que toute démarche artistique est une exploration sans fin. Sans fin. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de carcan. Et ce qui était fou, c'est qu'il, si on parle de la peinture, parce que chez lui, il y a quand même trois choses fortes, et c'est très rare chez un artiste à ce niveau-là de mener aussi bien le dessin que la peinture, que la sculpture, au niveau le plus haut dans les trois disciplines. Pour moi, c'est sans doute le plus grand artiste du XXe siècle, mais bon. Alors, Giacometti, le sculpteur de L'Homme qui marche, évidemment, on y revient. Oui. Sa plus célèbre sculpture en bronze, c'est... Elle est en plâtre. Oui, au départ. Elle est quand même, en 2010, vous allez confirmer si c'est ce que je dis est vrai, la plus chère du monde. Oui, elle était vendue, je crois, 74,2 millions de dollars à New York, me semble-t-il. C'est une ironie de l'histoire, parce que cette sculpture, pendant un moment, elle a été commandée pour être mise disposée sur la place à New York, devant la Chase Manhattan Bank. Et la Chase Manhattan Bank finira par lui refuser la sculpture. Enfin, il y en avait trois, en fait. Il y avait une grande tête, un personnage, plus l'homme qui marche. Les commanditaires de ces œuvres l'ont refusé. Et maintenant, l'ironie, c'est que c'est l'œuvre de la sculpture la plus chère au monde. Il y a deux versions. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que, d'abord, il y a plusieurs tailles. Puis alors après, il y a plusieurs exemplaires en bronze, justement. Voilà. Il y en a 12 exemplaires à chaque fois. 8 plus 4, ça, c'est la loi, si on veut. Bon, c'est comme ça pour, ça reste des œuvres originales. D'ailleurs, il y a un exemplaire qui sont monochromes normalement, enfin c'est une patine monochrome, et il y a un exemplaire qui est polychrome, qu'il a lui-même travaillé et qu'il est venu travailler à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans son œuvre, d'un point de vue purement artistique et de l'émotion que vous pouvez avoir devant une œuvre? L'émotion, elle est totale parce que on a affaire à qui représente un homme ou une femme ou même un objet des natures mortes. Il réussit à... Quand il s'agit des individus, ça parle plus évidemment que quand il a peint trois pommes comme Cézanne a pu le faire. Mais même, il arrive à aller au fond de l'être. On perce à travers le regard, a fait avec quelques traits seulement un minimalisme total. Il s'agit pas de reconnaître la personne qui est représentée, mais on a un individu qui apparaît au plus fond, au plus profond de lui-même. Thank you. Franck Maubert, on va continuer avec vous à parler de Giacometti que vous connaissez si bien, dans un ordre chronologique, hein, très bien. Simple, voilà, chronologique. On arrive aux années 30 où il se rapproche des surréalistes et expose notamment aux côtés de Joan Miró. Il devient l'ami des plus grands auteurs et artistes de l'époque et de cette école, Aragon, Breton, Dali, Masson, Tristan Tzara. Et Pierre, en 35, il exclut du groupe. C'est quoi? C'est un passage qui n'a pas été réussi? C'est quoi? Non, c'est-à-dire que Breton est connu pour avoir exclu absolument tous les membres du groupe surréaliste. Donc c'est pas surprenant. Mais Breton l'avait salué dans L'Amour fou. Justement, il y a tout un passage sur des sculptures de Giacometti et sur Giacometti lui-même. D'ailleurs, ces sculptures sont absolument remarquables. On peut les voir au Centre Pompidou. Non, elles sont issues d'un monde un peu invisible, peut-être inspiré d'art primitif. Ou premier, comme on dit, mais on y retrouve des choses. Alors là, je ne sais pas d'où ça vient chez lui, parce qu'il était, il a fréquenté beaucoup le Louvre. Alors notamment, il adorait la période étrusque. Donc on retrouve ce côté, le côté rétrécissement des personnages tout en effilé. Tout ça, on retrouve ça chez les Étrusques. Exactement. Il est allé encore plus loin. Alors justement, ces hautes figures filiformes, là, on arrive aux années juste après la guerre, hein, 46-47, sa production est stimulée par les relations qu'il renoue avec le marchand new-yorkais Pierre Matisse, qui accueille qui accueille sa première exposition personnelle d'après-guerre en janvier 48. Exactement. Giacometti fait fondre en 47 8 de ses nouvelles sculptures, dont L'homme qui pointe et Le premier homme qui marche. Oui. Et c'est une période que les critiques et spécialistes qualifient d'art de la maturité. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que c'est l'aboutissement de son œuvre, de son travail. C'est-à-dire qu'après, il ne cessera de développer, de travailler autour de cette figure allongée. C'est ce qu'il a révélé au grand public, de toute façon. Déjà, en 33, il avait fait La femme qui marche. Alors, c'est une sculpture, bizarrement, qui est moins connue, mais je ne sais pas, c'est parce que c'est une femme, mais il avait fait La femme qui marche avant L'homme qui marche, en 33. Et en fait, quand il fait L'homme qui marche, en 47, parce que ça date de 47, Le premier homme qui marche, il veut se confronter à Rodin. Parce que il fait L'homme qui chavire, Rodin a fait L'homme qui tombe, et Rodin a décomposé tous les mouvements de l'homme justement qui est en train de chuter. Et en passant par L'homme qui pense. Oui, ça aussi. Forcément. Mais L'homme qui marche, c'est L'homme qui pense. Oui, d'ailleurs. Parce que marcher, c'est penser. Et là, il se confronte en fait vraiment au plus grand des sculpteurs, parce que le plus grand des sculpteurs, c'est Rodin avant Giacometti. Alors, vous allez nous parler de Caroline, son dernier modèle. Comment vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui était l'étincelle qui vous a poussé à faire ce travail? C'est-à-dire que je travaillais sur un livre sur la famille Mag et la fondation Mag, et j'ai appris au cours de mes recherches qu'on m'a dit que son dernier modèle était vivant. J'ai fait quelques recherches et très vite j'ai retrouvé son téléphone et je l'ai appelé et je dis bonjour madame. Et je me présente, elle me dit, appelez-moi Caroline. Et là, c'est son passé de, comment dire, elle était entraîneuse dans des bars, donc voilà, pour être élégant. Et donc je lui explique que je voulais faire un livre sur Giacometti, etc., que je souhaiterais la rencontrer. Et elle me dit, venez me voir à Nice, j'habite Nice, donc je vais à Nice. Et je l'ai vue en fait que pendant 2 heures, cette femme. Et pendant 2 heures, elle m'a parlé de Giacometti, elle m'a parlé d'elle, j'ai fait parler d'elle bien entendu, et de son rapport à Giacometti. Et à partir de là, j'ai fait ce petit livre, voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous a enseigné de Giacometti que vous ne saviez pas déjà? C'est-à-dire qu'on bien branché sur lui. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Non, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était le rapport de Giacometti avec les femmes aussi. Ça, c'était intéressant parce que Giacometti était marié à Annette. On en a parlé tout à l'heure. Annette qui vivait au-dessus de son atelier dans une pièce où vraiment microscopique, quoi. Il y avait juste un lit, et c'est tout, et une armoire. Et dans son atelier, il n'y avait pas grand-chose de plus. D'ailleurs, sinon ses sculptures. Et un sommier sous lequel il planquait son argent, qu'il gagnait quand les affaires marchaient bien. Le soir, après avoir travaillé, parce qu'il pensait qu'à son travail, en fait, il était toujours en costume noir, avec une cravate noire, une chemise blanche, son costume maculé de poussière, de plâtre. Il allait dans les bars de Montparnasse. Et il y avait encore ces bars, autrefois, qu'on devait appeler les bars montants ou quelque chose comme ça. Bon, il y en avait un notamment qui s'appelait chez Adrien, qui était rue Bréa. Donc, il y avait des filles qui entraînaient à boire, et puis voir plus si on voulait, évidemment. Et lui venait là pour se reposer, il lisait la presse, et il ouvrait son courrier, et il griffonnait ses dessins sur les enveloppes, sur au dos de ces enveloppes ou sur les journaux d'ailleurs. Et il lisait, et il y avait deux filles qui lui ont présenté une nouvelle qui se prénommait Caroline. Et là, ça a été un vrai coup de foudre entre cette jeune venue qui avait à peine 20 ans et lui qui en avait 60. Et là, ils ont passé la nuit à errer dans Paris. Donc, elle m'a raconté ça, ses premières nuits d'errance dans Paris avec lui et ce vrai coup de foudre. Et ils étaient fascinés l'un par l'autre. Et petit à petit, il l'a fait entrer dans son atelier pour la peindre. Caroline, le dernier modèle, mais peut-être aussi le dernier contact, finalement. Oui, c'est-à-dire quand Giacometti était sur son lit de mourant, enfin son lit de mort mourant, il y avait ses proches qui étaient là, donc il y avait ses frères Bruno et Diego, et il y avait sa femme Annette, et il y avait Caroline qui est revenue de Paris spécialement. Il y a eu un crépage de chignon, paraît-il, dans le couloir de l'hôpital entre Annette et Caroline, et il a appelé pour son dernier quart d'heure, il l'a passé auprès de Caroline, ils se sont tenus la main, c'est ce qu'elle m'a raconté, voilà. Et qu'est-ce qu'elle devient, cette Caroline? C'est une vieille dame, j'imagine, aujourd'hui. C'est une dame âgée, oui, qui est pas loin de 80 ans. C'est pas très vieux aujourd'hui, mais elle est fatiguée, vu la vie agitée qu'elle a eue. Et elle vit à Nice, dans un petit deux pièces, et dans un dénuement assez total, sans œuvre de Giacometti. Alors, elle me disait toujours, mon Alberto, mon cher Alberto, et elle pleurait presque. Merci en tout cas pour tout ce savoir sur Giacometti, la transmission de votre savoir sur ce peintre et sculpteur qui nous fascine. Je tiens entre les mains votre dernier roman chez Fayard, Les uns contre les autres. Il sort quand celui-là? Ça sort, je crois, fin août. Fin août. Bon, donc c'est un livre pour la fin des vacances. Les uns contre les autres de Franck Maubert, Fayard. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles de Patrick Légibel et Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Giacometti et ses têtes de Manuel Calma, avec dans le rôle de Alberto Giacometti, Bruno Labrasca, Annette Giacometti, Laurence Roy, James Lord, Geoffrey Carret, Caroline, Louise Pasto, Abel, Nicky Marbeau, Diego Giacometti, Cesare Capitani. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage et mixage, Valérie Lavalard et Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner et Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidoroff.